Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1885, Sigmund Freud, 29 ans, est un jeune chercheur en neuropathologie à Vienne lorsqu'il obtient une bourse qui lui permet de réaliser l'un de ses rêves, aller à Paris. D'octobre 1885 au mois de mai 1886, il passera en tout 7 mois à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, au sein du service du professeur Jean-Martin Charcot, qui vient alors de commencer ses recherches sur l'hystérie traumatique. « Aucun être humain ne m'a jamais autant impressionné », écrit Freud à l'époque à sa fiancée. En 1963, dans le 5e épisode d'une série d'émissions consacrée à l'histoire de la psychanalyse, Marthe Robert s'intéressait à la rencontre entre Freud et Charcot, qui ferait date dans l'histoire de la pensée scientifique contemporaine. Après quoi, dans le 6e volet de la série, elle faisait le portrait d'un autre personnage important de la vie de Freud, Martha Bernays, celle qui devint sa femme quelques mois après ce séjour parisien, en septembre 1886, et le resta jusqu'à la mort de Freud, 52 années après. La Révolution psychanalytique, 5e et 6e volet, première diffusion sur France 3 Nationale les 12 et 19 janvier 1963. RTF France 3 Nationale présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Jean Topard, Roland Ménard et Jean Muselli dans Freud et Charcot. Dès le début de sa carrière médicale, Freud avait songé à obtenir le titre de Privatdozent, titre qui n'a pas d'équivalent en France et dont les fonctions correspondent à peu près à celles de nos maîtres de conférences. Cette distinction extrêmement recherchée en Autriche, comme en Allemagne et en Europe centrale, était indispensable à qui voulait faire carrière à la faculté. Freud prépara une thèse dont le sujet était un travail qu'il avait en cours sur l'anatomie de la moelle et présenta sa requête en janvier 1885 devant une commission composée de ses anciens maîtres. Sa candidature fut soutenue par Bruck, qui termina son rapport par un portrait fort élogieux du jeune chercheur. Le docteur Freud est un homme cultivé, d'un caractère calme et sérieux, excellent travailleur dans le domaine de l'anatomie des nerfs. Très adroit, il possède une vision claire, de vastes connaissances, une méthode de déduction prudente et le don de décrire ses recherches avec élégance et précision. Ses découvertes ont été appréciées et vérifiées. Le style de ses conférences est clair et exact. Il possède à un tel degré les qualités du chercheur scientifique et du professeur compétent que le comité suggère à l'honorable assemblée d'autoriser le candidat à subir les autres épreuves nécessaires à son admission. Freud devint donc Privatdozent en neuropathologie, mais dans le moment même, sa situation ne s'en trouva guère améliorée. Il avait quitté le service de Meinert. Tous ses efforts pour obtenir un poste d'assistant convenablement rémunéré avaient échoué. Aussi, toujours dénu de ressources, accepte-t-il de faire un remplacement en banlieue dans un asile psychiatrique privé. Là, il est logé, nourri et gagne 100 florins par mois. La maison lui plaît, l'atmosphère y est courtoise et agréable. Quant au travail médical proprement dit, il est, comme dans tous les endroits de ce genre à cette époque, inexistant. Le traitement médical se réduit naturellement à peu de choses. On traite les troubles internes et chirurgicaux constatés accessoirement. Et pour le reste, on se borne à surveiller, à donner des soins, à nourrir et à laisser aller. Il n'y a là que des gens fort riches, des comtes, des comtesses et des barons. Les pièces de résistance sont deux excellences, le prince S et le prince M. Ce dernier, tu t'en souviens peut-être, est un fils de Marie-Louise, la femme de Napoléon, et comme notre empereur, un petit-fils de l'empereur François. Tu ne croirais pas comme tous ces comtes et princes ont l'air miteux, bien qu'ils ne soient pas débiles à proprement parler, mais représentent une sorte de moyen terme entre le débile et l'excentrique. Peut-être Freud se serait-il résigné à passer le reste de sa vie dans cet établissement distingué et à soigner quelques aristocrates incurables, mais quelque chose survint qui le dispensa de trop y songer. L'attribution providentielle d'une bourse d'études qui, bien plus qu'il ne le croyait lui-même alors, allait donner un tour tout nouveau à ses projets. Cette bourse, destinée par le ministère à un voyage d'études post-scolaire, se montait à 600 florins. Freud en avait l'emploi. Elle lui eut permis de réaliser l'un de ses rêves, aller à Paris, s'initier à la science française et revenir à Vienne avec une part du prestige dont elle jouissait à l'étranger. Il tenta donc sa chance et, pour commencer, chercha des protections, chose indispensable dans un pays où le favoritisme faisait tout. L'affaire fut chaudement disputée. Il y avait deux autres candidats et, à mesure que le temps passait, Freud croyait de moins en moins réussir. Toutes les nuits, il rêvait de cette bourse qui, dans son esprit, devait l'aider à conquérir la gloire et hâter par là la date de son mariage. Enfin, après un mois de doute et d'espoir, il put faire part de son triomphe à sa fiancée. « Oh, comme ce sera magnifique! J'arriverai avec de l'argent, et je resterai très longtemps, et je t'apporterai quelque chose de beau, et j'irai à Paris, et je deviendrai un grand savant. » Et je rentrerai à Vienne avec une grande, grande auréole. Et je guérirai tous les malades nerveux incurables. Et je t'embrasserai jusqu'à ce que tu sois forte, gaie et heureuse. Et ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Cette prophétie dictée à Freud par son désir devait effectivement s'accomplir sauf sur un point. La gloire allait encore le faire attendre longtemps. Et ce qui se préparait pour lui dans les salles historiques de la Salpêtrière, ce n'était pas du tout la carrière bourgeoise du médecin arrivé, mais les tumultes et les scandales de l'hystérie qui allaient le pousser à la révolution et le rendre plus seul que jamais. Freud arriva à Paris en octobre 1885, après avoir passé 6 semaines auprès de sa fiancée, à Wandsbek. Le début de son séjour n'est pas très heureux, la ville l'étourdit. Les Parisiens lui font un peu peur. Il a honte de son mauvais français. Et surtout, il est épouvanté par le coût de la vie. Sa bourse, en effet, est insuffisante pour couvrir les frais de son séjour. Et même en vivant chichement, il devra une fois de plus s'endetter. Un sentiment d'abandon, les soucis d'argent, la pensée de sa famille qu'il a laissée à Vienne dans une gêne effrayante, au point qu'une de ses sœurs a dû se placer comme bonne d'enfant, tout cela lui gâte ses premiers moments à Paris. Ce qu'il avait sans doute un peu oublié quand, beaucoup plus tard, il écrivait dans la science des rêves. Pendant des années, je n'avais rêvé que de Paris. Et l'extrême bonheur que je ressentis en posant pour la première fois le pied sur ces pavés me parut garantir la réalisation de mes autres désirs. En tout cas, cet extrême bonheur ne paraît guère dans ses premières lettres. Au contraire, Paris l'irrite. Le luxe des beaux quartiers provoque en lui un réflexe de pauvre, comme il le montre dans une description, d'ailleurs fort bien vue, d'une flânerie sur les Champs-Élysées. Les dames élégantes s'y promènent avec un air hautain, comme si elles voulaient nier, ou à tout le moins charitablement ignoré l'existence du monde en dehors d'elle et de leur mari. D'un côté, l'avenue est bordée par un jardin tout en longueur où les plus jolis enfants du monde jouent à la toupie ou aux anneaux, regardent guignols ou même conduisent des voitures tirées par des chèvres. Sur les bancs, des nourrices qui allaitent leurs bébés, des bonnes vers lesquelles les enfants se réfugient quand un conflit éclate entre eux. En pensant à la pauvre Mitzi, j'ai été saisi d'une grande fureur et plein d'idées révolutionnaires. Mais Fred n'est pas venu en France pour apporter sa part à la littérature sur Paris, encore qu'il le fasse avec beaucoup de talent dans de nombreux passages de ses lettres. Son but est la Salpêtrière, où il se rend le 21 octobre et trouve tout, dit-il, au-delà de son attente. On lui donne la clé d'un casier au laboratoire, un tablier contre une caution de 3 francs, et une quittance au nom de M. Freud, élève de médecine. Le même jour, il a la joie de rencontrer Charcot, dont il trace aussitôt le portrait à l'intention de Martha. M. Charcot est arrivé à 10 heures. C'est un homme de 58 ans, de haute stature, coiffé d'un haute forme, avec des yeux sombres, étonnamment doux. Un œil, plutôt. L'autre est sans expression, affligé d'un strabisme convergent. De longs cheveux clairsemés rejetés derrière les oreilles, rasés de près, une physionomie très expressive et des lèvres charnues. Bref, il a l'air d'un prêtre laïque à qui l'on suppose beaucoup d'esprit et une intelligence du bien vivre. Mis à part le haut de forme, la ressemblance est frappante entre le Charcot vu par Freud et celui qu'ont popularisé les photographies. La rencontre de ces deux hommes si différents, l'un mondialement célèbre et en pleine possession de ses forces, l'autre obscur et marchant à tâtons vers un but dont il ne sait rien encore, cette rencontre allait marquer une date dans l'histoire de la pensée scientifique. Elle fit à Freud une impression extraordinaire, dont il pressent vaguement les suites pour son œuvre. Je me sens vraiment très bien en ce moment. Et, je le crois, je suis en train de beaucoup changer. Charcot, l'un des plus grands médecins qui soit, un esprit génialement sensé, bouleverse tout simplement mes idées et mes intentions. Je sors souvent de ces conférences comme de Notre-Dame, avec un sentiment nouveau de la perfection. Mais il me secourt rudement. Quand je le quitte, je n'ai plus aucune envie de m'occuper de mes bêtises. Je viens de passer 3 jours à ne rien faire, sans toutefois me le reprocher. Mon cerveau est rassasié comme après une soirée de théâtre. Si la semence fructifiera un jour, je l'ignore, mais ce que je sais, c'est qu'aucun être humain ne m'a jamais autant impressionné. Charcot accueille le jeune étranger avec beaucoup de courtoisie. Il lui serre la main en lui souhaitant la bienvenue et, dit Freud, « J'ai été fier de cette marque d'intérêt, malgré mon amour de l'indépendance, car tout en étant le subordonné de cet homme, je suis heureux de l'être. » Freud révèle beaucoup de lui-même dans ses relations avec Charcot et le milieu médical parisien, où pour la première fois, il se sent traité non plus en intrus, plus ou moins bien toléré, comme à Vienne, mais en homme libre, à qui l'on ne demande pas d'où il vient. Qu'il soit touché par la poignée de main amicale d'un homme haut placé, cela en dit long sur la condition qui lui était faite chez lui. Plus long sans doute qu'il ne le croit lui-même. À Paris, il prend conscience de sa situation inférieure, de son manque d'assurance, de la méfiance instinctive que lui inspirent les autres, du singulier contraste entre son audace intellectuelle et sa pusillanimité sociale. Les longues lettres qu'il envoie chaque jour à Martha font la plus large part à cet effort d'analyse qu'il va poursuivre à l'aveugle pendant quelques années, jusqu'au moment où le rêve fournira à sa connaissance de lui-même un moyen approprié. Pour l'instant, il constate sa pauvreté, la lenteur de ses succès, le peu de séduction qu'il exerce sur les gens, sa sensibilité excessive, sa nervosité. Avec une lucidité sans complaisance, il se décrit sans cesse comme tiraillé entre les sentiments du paria et les ambitions du parvenu. Mais refusant de céder au dilemme et ayant déjà choisi au fond ce qui sera sa seule voie pour parvenir. L'effort, la peine, l'incessant travail de l'esprit. Pesant ainsi ses difficultés et ses chances, il demande à sa fiancée « Crois-tu vraiment que, vu du dehors, je sois aussi sympathique que tu le dis? Vois-tu, j'en doute fort. Je crois que l'on sent en moi quelque chose de bizarre. Et, en dernière analyse, cela vient de ce que je n'ai pas été jeune dans ma jeunesse. et que, maintenant que l'âge mûr approche, je ne parviens pas vraiment à vieillir. Il y a eu un temps où je n'étais qu'avide de savoir et ambitieux, un temps où je me sentais continuellement blessé de ce que la nature ne m'eût pas mis sur le front le sceau du génie qu'elle donne parfois par un caprice de sa bonté. Mais je sais depuis longtemps que je ne suis pas un génie, et je ne comprends plus que j'ai souhaité l'être. Je ne suis même pas très doué. Toute ma capacité de travail réside dans mon caractère et dans une absence de déficience intellectuelle marquée. Toutefois, je sais aussi que ce mélange est très favorable à un succès laborieux, que dans de bonnes conditions, je pourrais faire mieux que Notnagel, auquel je me crois très supérieur, et peut-être égaler Charcot. Ce qui ne veut pas dire que j'y arriverai, car ces conditions favorables, je ne les trouve plus. Et le génie, l'énergie de les créer de force, je ne les ai pas. Mais, comme je bavarde, je voulais parler de toute autre chose. T'expliquer, notamment, d'où vient mon caractère inabordable et mes manières brusques avec les étrangers auxquels tu fais allusion. Tout cela n'est que le résultat de la méfiance. Une méfiance que j'ai apprise en voyant combien j'étais maltraité par les gens vulgaires ou bas, et qui ne disparaîtra que lorsque je n'aurai plus rien à redouter d'eux, étant devenu moi-même plus fort et plus libre. Je me console en me disant que je ne fais jamais un effet désagréable à mes subordonnés ou à mes égaux, toujours à mes supérieurs ou à de quelconques autorités. Paris, donc, a sur Freud une action contradictoire. D'un côté, il s'y sent solitaire, pauvre, d'une gaucherie provinciale au milieu d'une foule qui lui paraît déconcertante, méchante, capable à tout moment de dangereuses explosions. D'un autre côté, la ville l'attire, elle l'oblige à sortir de lui-même et à se mêler aux choses du dehors. Lui, qui jusqu'alors n'a jamais dit un mot de politique, du moins dans les lettres que nous connaissons, il s'intéresse vivement à la lutte et aux combinaisons électorales qui, cette année-là, passionnent les Parisiens. Il marche beaucoup, observe tout avec autant de pénétration que d'humour, se ruine en place de théâtre et consacre à Sarah Bernhardt des pages pleines d'émotion, d'ironie et de lyrisme. En somme, il le reconnaît. Paris l'effare et en même temps l'inspire. J'ai maintenant une impression complète de Paris et je pourrais devenir très poétique en comparant la ville à un énorme sphinx bien paré, prêt à dévorer tous les étrangers qui ne résolvent pas son énigme. Mais je garde cela pour des effusions verbales. Pour l'instant, je ne dirai que ceci. La ville et ses habitants me font un effet étrange. Les gens me paraissent être d'une autre espèce que nous. Je les crois tous possédés de 1000 démons. Et quand ils disent « Monsieur, et voilà l'écho de Paris », je les entends crier « À Bintel et à la lanterne !» Je crois qu'ils n'éprouvent ni pudeur ni horreur. Hommes et femmes se pressent autour de toutes les nudités, comme autour des cadavres de la morgue, ou encore de ces horribles petites affiches qui annoncent le nouveau feuilleton d'un journal et donnent en même temps un échantillon de son contenu. C'est le peuple des épidémies psychiques et des convulsions collectives. Depuis la Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, il n'a absolument pas changé. Comme tu peux le constater, mon cœur est celui d'un Allemand de petite ville de province. Il ne m'a pas du tout suivi ici. Ce Paris est un rêve inextricable. Je me réjouirais fort de me réveiller. À d'autres moments, Freud juge tout autrement de la vie parisienne. Il suffit pour cela qu'il sorte un peu de son état dépressif, qu'il parvienne à vaincre sa timidité ou qu'il obtienne un petit succès. Ainsi, il est très fier d'avoir eu l'audace de demander à Charcot la permission de traduire un de ses livres. Et celui-ci l'ayant invité à ses soirées, il se sent tout ragaillardi par cette marque d'attention. La première de ses réceptions l'ennuie. La troisième le ravit et, dit-il, le met en feu. Il y a là une cinquantaine de personnes, des artistes, des sommités médicales françaises et étrangères, un fils d'Alphonse Daudet, Mademoiselle Charcot, qui ressemble de façon presque ridicule à son génial papa, et dont, pour cette raison sans doute, il tombe un peu amoureux. Maintenant, je suppose que tu es impatiente de savoir comment je me suis conduit dans cette brillante société. Très convenablement. J'ai conversé longuement avec Lépine, dont je connaissais les travaux. J'ai accepté une tasse de café des mains de Madame Charcot, bu de la bière, fumé comme une cheminée et me suis senti fort à l'aise, sans commettre la moindre bévue. Les lettres de Freud pourraient servir de matériel à une petite chronique de la haute bourgeoisie médicale française, dont le jeune étranger apprécie non seulement la virtuosité scientifique, mais l'urbanité, l'humanisme, et cette façon qu'elle a en propre d'allier le raffinement à un esprit vraiment démocratique. D'une plume vive et chaleureuse, Freud dépeint les grandes figures de médecins qu'il rencontre à la Salpêtrière et dans le salon de Charcot, Babinski, Brouardel, Richet, le grand histologiste Ranvier, le célèbre psychiatre Gilles de la Tourette, toutes les vedettes de la science mondiale dont la simplicité, la liberté d'allure, le fascine. Peu après son départ, en février 1886, Freud écrit à sa fiancée qu'il serait mort s'il avait dû rentrer directement à Vienne. Mais à peine arrivé à Berlin, il s'écrit, en parodiant Schiller, « Comme tout était plus beau dans ma chère France ». Freud quitta Paris le 23 février 1886. Il devait y revenir trois fois, en 1889 après son voyage à Nancy, en 1910 pour un congrès de psychanalyse et en 1938 quand il quitta Vienne pour fuir les nazis. Mais il ne revit plus jamais Charcot. Sur son travail scientifique à Paris, et l'influence profonde qu'exerça sur son évolution ultérieure l'école de la Salpêtrière, Freud a laissé un admirable document, l'article nécrologique qu'il écrivit sur Charcot en 1893 et où, tranchant sur les limites conventionnelles du genre, il rend au maître un hommage rayonnant d'intelligence et de vérité. De ce texte, l'un des plus beaux de la période pré-psychanalytique, il faudrait presque tout citer tant il est révélateur des relations de Freud avec la science. De son grand succès, Charcot tirait une joie bien humaine et de bon aloi. Il rappelait volontiers ses débuts et le chemin qu'il avait parcouru. Il racontait comment, jeune interne, sa curiosité scientifique avait été précocement éveillée par une masse de faits neuropathologiques qui, à cette époque, étaient absolument incompris. Quand, pendant la visite d'une des salles de la Salpêtrière, le pavillon des femmes, il accompagnait son patron à travers ce chaos de paralysie, de trémulation et de spasmes auxquels, voici 40 ans, on ne donnait ni compréhension ni nom. Il avait coutume de dire « Faudrait y retourner et y rester ». Et il a tenu parole. Devenu médecin des hôpitaux, il s'arrangea pour obtenir un poste à la Salpêtrière dans l'un de ses services qui hébergeait les malades nerveux. Et, au lieu de changer l'hôpital de service et de spécialité comme les médecins des hôpitaux français sont libres de le faire, il y prit définitivement ses quartiers. Ainsi, sa première impression et la décision qui en résulta furent déterminantes pour tout le reste de son évolution. Disposant de l'énorme matériel fourni par les malades nerveux chroniques, il put alors développer ses remarquables dons personnels. Il n'était point porté à la spéculation. Ce n'était pas un penseur, mais une nature d'artiste, un visuel, comme il disait lui-même. Les choses qu'il ne connaissait pas, il avait coutume d'en refaire sans cesse l'examen, fortifiant jour après jour l'impression qu'il en retirait, jusqu'à ce que soudain il en trouve l'explication. Son œil spirituel voyait alors s'organiser ce que la répétition continuelle des mêmes symptômes faisait passer pour un vrai chaos. Il en sortit de nouveaux tableaux cliniques, caractérisés par l'association constante de certains groupes de symptômes. Les cas extrêmes et complets, les types, purent être mis en évidence à l'aide d'une espèce particulière de schématisation, et de là, l'œil put suivre la longue série des cas atténués, des formes frustes qui, à partir de tel ou tel signe caractéristique, se perdaient dans l'indéterminé. Cette sorte de travail intellectuel, où il n'avait pas son pareil, Charcot l'appelait « faire de la nosographie », et il en était fier. On pouvait l'entendre dire que la plus grande satisfaction qui soit réservée à un homme était de voir quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de reconnaître quelque chose comme nouveau. Et, dans ses remarques, il ne cessait de revenir à la difficulté et au mérite de cette clairvoyance. D'où venait-il que les hommes ne vissent jamais en médecine que ce qu'ils avaient appris à voir. Et comme il était exaltant d'apercevoir soudain des choses nouvelles, de nouveaux états morbides, probablement aussi vieux que l'espèce humaine. Lui-même devait s'avouer qu'il voyait maintenant dans ces salles bien des choses qui, pendant 30 ans, lui avaient complètement échappé. Je n'ai pas besoin de rappeler au médecin la richesse de forme dont il a doté la neuropathologie, ni quelle acuité, quelle sûreté du diagnostic furent rendues possibles grâce à ses observations. Mais à l'élève qu'il avait suivi une heure durant à travers les salles de la Salpêtrière, ce musée de faits cliniques, qui lui devait pour la plus grande part ses noms et sa particularité, il rappelait Cuvier, le grand classificateur et connaisseur du monde animal dont on voit la statue devant le jardin des plantes entouré d'une foule de bêtes. Ou bien encore, il évoquait la figure mythique d'Adam qui, lorsque Dieu lui présenta toutes les créatures du paradis afin qu'il les sépare et leur donne un nom, dut connaître au plus haut degré la jouissance intellectuelle goûtée par Charcot. Rien n'est plus significatif que ce passage où Freud, anticipant son propre accomplissement scientifique, unit dans une même pensée le grand naturaliste moderne et l'Adam biblique. Tous deux savants, tous deux créateurs de mots, tous deux poètes, en vertu du privilège humain par excellence, de distribuer et de nommer les choses du monde. Les belles classifications des naturalistes français ou les inventions verbales de Charcot, ils n'y voient pas de simples commodités techniques, mais le modèle de cette science poétique dont il a déjà la vision, sinon la clé. Après avoir brossé ce portrait grandiose du maître, idéalisé peut-être dans son souvenir, Freud en vient à une appréciation plus objective de ses mérites. C'était un travailleur infatigable, le plus actif encore de toute l'école, je crois. Sa clientèle privée, qui venait à lui de Samarcande et des Antilles, ne parvint jamais à l'éloigner de son activité professorale ou de ses recherches. Sûrement, cet énorme afflux de gens n'allait pas seulement aux savants célèbres, mais aussi aux grands médecins et à l'ami des hommes, qui savait toujours trouver un conseil et devinait, là où l'état actuel de la science ne lui permettait pas de savoir. On lui a beaucoup reproché sa méthode thérapeutique à cause de l'abondance de ses prescriptions, choquantes pour une conscience rationaliste. C'est qu'il continuait simplement les méthodes usuelles en ce temps et dans son pays, sans se faire trop d'illusions sur leur efficacité. Toutefois, il n'était pas pessimiste dans son attente thérapeutique. Plus tard, il a souvent contribué à introduire des méthodes nouvelles dans sa clinique. Et ce n'est pas sa faute si ces méthodes eurent la vie courte. Comme professeur, toutefois, Charcot était littéralement fascinant. Chacune de ses conférences était un petit chef-d'œuvre par la structure et la composition, parfait de forme et tellement impérieux que de toute la journée, on ne pouvait oublier les paroles entendues ni chasser de son esprit l'objet de la démonstration. Il présentait rarement un seul malade. Le plus souvent, c'était une série de cas ou des cas opposés qu'il comparait entre eux. L'amphithéâtre où il faisait ses cours était orné d'un tableau représentant les citoyens Pinel, comme il ôtait leur chaîne aux malheureux fous de la Salpêtrière, car l'hôpital, qui avait vu tant d'horreur pendant la Révolution, avait été aussi le lieu de ce bouleversement radical, de tous le plus humain. Des années auparavant, un changement s'était produit dans les tendances scientifiques de Charcot, auxquelles nous devons ses plus beaux travaux. Il se mit à penser que la doctrine des maladies nerveuses était maintenant provisoirement achevée. Et dès lors, tourna son intérêt presque exclusivement vers l'hystérie qui, de la sorte, se trouva d'un coup au centre de l'attention générale. Cette maladie nerveuse, la plus énigmatique de toutes, dont les médecins étaient encore incapables de juger sérieusement, était alors précisément tombée dans le discrédit le plus profond, ce dont souffraient aussi bien les malades que les médecins qui s'efforçaient de la traiter. On ne voulait faire aucun crédit aux hystériques parce que, disait-on, dans l'hystérie, tout était possible. Le travail de Charcot eut d'abord le mérite de rendre à ce sujet d'étude sa dignité. On perdit peu à peu l'habitude du sourire sarcastique que la malade à cette époque était sûre de provoquer. Il se pouvait qu'elle ne fût pas une simulatrice, puisque Charcot, avec tout le poids de son autorité, intervenait en faveur de l'authenticité et de l'objectivité des phénomènes hystériques. Ainsi, Charcot renouvelait en petit l'acte de libération rappelé par le tableau de Pinel sur le mur de l'amphithéâtre. Une fois vaincue la peur irraisonnée d'être mystifiée par les pauvres malades, peur qui avait fait obstacle jusque-là à une étude sérieuse de la névrose, On put enfin se demander comment il convenait de poser le problème pour le résoudre par le plus court chemin. Freud termine son article par une critique impartiale de l'œuvre théorique du maître. Il voit ce qu'elle a d'impérissable et aussi ce que le temps et le progrès de la pensée médicale ne tarderont pas à ruiner. En vérité, c'est lui qui va porter le coup le plus dur à ce bel édifice. 2 ans plus tard, en effet, il publie les études sur l'hystérie et bouleverse toutes les idées reçues sur ce sujet. Pourquoi Charcot avait su le passionner? Ainsi, il se retourne contre celui qui lui a montré le chemin, mais reste fidèle à son enseignement, car, en répandant ses idées révolutionnaires sur l'hystérie, il s'apprête, lui aussi, à libérer l'homme de ses chaînes. RTF France 3 Nationale vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, 2e série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Jean Topard, Roland Ménard et Jean Muselli, dans Freud et Charcot. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 12 janvier 1963. Tout de suite, le 6e volet de cette série, diffusé pour la première fois la semaine suivante. RTF France 3 Nationale présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, 2e série. La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Jean Topard, Roland Ménard, Jean Muselli dans « Fiançailles et mariages » de Sigmund Freud. Durant la longue existence de Sigmund Freud, personne n'a rien su de sa vie sentimentale. Des passions qui avaient pu l'agiter dans sa jeunesse, ni des conflits qu'il avait peut-être dû surmonter avant de devenir Sigmund Freud, précisément, cet homme en qui les uns voyaient une incarnation du diable et les autres un sage de légende. Avait-il connu d'autres femmes que la sienne? Avait-il fait un mariage d'amour ou de convenance? L'inventeur de l'éros moderne, la libido, a gardé sur ce point un silence absolu que seul osait rompre la mauvaise foi et la calomnie. Celle du neurologue américain qui expliquait la doctrine de la libido et le prétendu pansexualisme freudien par les turpitudes sexuelles, l'immoralité viennoise de son auteur, n'eut finalement pas beaucoup de succès, même parmi les détracteurs de la psychanalyse. l'image de Freud qui s'imposa le plus généralement au public fut celle que décrivit Stefan Zweig, par exemple, dans un essai de la guérison par l'esprit. Depuis un demi-siècle, Sigmund Freud enferme sa vie privée derrière la porte sévère d'un immeuble viennois. On serait presque tenté de dire qu'il n'en a pas eu du tout, tant son existence personnelle passe modestement à l'arrière-plan. Une figure officielle, presque entièrement invisible, un mode de vie d'une régularité presque bourgeoise, sans modification ni événement marquant, les tournants brusques ont eu lieu au-dedans sur le terrain de l'intellect, jamais une déclaration personnelle qui fasse dresser l'oreille ou prête à l'anecdote. 70 ans dans la même ville, plus de 40 ans dans la même maison, les consultations toujours dans la même pièce, la lecture dans le même fauteuil, le travail littéraire sur le même bureau. Père de 6 enfants, personnellement sans aucun besoin, sans autre passion que son métier et sa vocation. Un homme qui n'a jamais donné une minute de son temps à la poursuite des vanités mondaines, des postes et des dignités, qui n'a jamais laissé le créateur prendre le pas sur l'œuvre créée et chez qui le rythme de la vie se soumet absolument, exclusivement à celui d'un travail incessant, patient, régulier. De son vivant, Freud n'a rien dit, fait ou publié qui conduisit à retoucher ce sévère portrait d'ascète. Mais, dira-t-on, c'est là un portrait de vieillard. Il serait inconcevable, voire monstrueux, qu'au moins dans sa jeunesse, Freud n'ait pas connu personnellement la passion amoureuse qu'il nous a appris à comprendre, lui précisément, comme le ressort le plus puissant de l'action humaine et la source de toute vie. L'inventeur de la psychanalyse ne peut pas avoir été seulement l'observateur impassible du drame humain dont il a découvert les dessous. D'où autrement lui seraient venues ses certitudes et le courage de lutter seul pour ses idées. Il faut chercher beaucoup dans l'œuvre de Freud pour trouver des renseignements sur certains événements de sa vie, ses relations avec ses amis et ses proches, les conflits qui l'ont fait souffrir. Les deux ouvrages les plus riches en sources de ce genre sont « La psychopathologie de la vie quotidienne » et surtout « La science des rêves ». Et même là, Freud ne parle de lui que pour les besoins de sa démonstration théorique. Quand il le fait toutefois, c'est avec la plus grande franchise, sans édulcorer ou arranger ses propres traits. Quoi qu'il lui en coûte, il se montre sans hésiter tel qu'il se voit dans le miroir de ses rêves, envieux, jaloux, affamé d'amour et d'égard, tyrannique, capable de sentiments tellement contradictoires qu'il peut souhaiter la mort, inconsciemment bien entendu, du plus cher de ses amis. Mais jamais il ne fait allusion à cela même qu'on lui reproche de voir partout. Jamais il ne parle de sa propre sexualité. Jamais il n'associe un de ses rêves à un désir amoureux ou à une figure de femme. Ce parti pris, têtu, de silence, André Breton le lui a reproché comme un manque de conséquence, voire d'honnêteté. Freud répondit à la lettre, mais non pas au reproche. Sans doute ne concevait-il pas plus le rigorisme des surréalistes qu'il n'entendait leur poésie. Ainsi, l'homme qui a affirmé l'étiologie sexuelle des maladies de l'âme, et non seulement des maladies, mais des créations de l'esprit et des plus hautes productions de la culture humaine, l'homme scandaleux dont ses adversaires pouvaient dire qu'il profanait tout passé, empoisonnait tout présent, tuait tout avenir, cet homme semble n'avoir pu surmonter dans sa propre vie le préjugé majeur de son temps, celui-là même qu'il n'a cessé de montrer dans son œuvre comme une hypocrisie et une grave cause de trouble. Cela ne laisse pas d'être paradoxal, mais pourquoi en serait-on choqué? Aucun révolutionnaire, si radical fût-il, n'a jamais déraciné en lui la totalité de ses préjugés et de ses faiblesses. La plupart des audaces vont de pair avec d'étranges pusillanimités. L'histoire des philosophies éclairées et des mouvements rationalistes en fournirait plus d'une preuve. Comme tout homme, Freud avait hérité la morale de son milieu familial et de la petite bourgeoisie dont il était issu. Morale à la fois simple et rigide, où le bien se résumait principalement en une répression des instincts, et où le mal coïncidait presque entièrement avec la liberté ou la licence des mœurs. Quand l'étude des névroses le conduisit à découvrir les principes fondamentaux de la psychanalyse, il avait plus de 40 ans, sa jeunesse était passée, sa vie d'homme, sinon sa pensée, depuis longtemps engagée dans une voie qu'il n'avait aucune raison de renier, qu'il n'ait pas jugé bon de faire entrer le public dans le secret de ses luttes intimes, Cela compte peu au regard du courage qu'il lui fallut pour s'analyser lui-même. Et contre sa timidité, sa pudeur, disons même sa pudibonderie, énoncer tranquillement des vérités qui, n'en doutons pas, n'étaient pas moins scandaleuses pour lui que pour tout autre. Comme toutes les grandes choses, les idées de Freud ont été durement gagnées sur les préjugés, les peurs, le conformisme. Elles ont obligé à distinguer pour la première fois sérieusement entre deux choses que l'on confondait depuis des siècles. L'étiquette sexuelle, propre à un temps et une société, et la morale, phénomène mystérieux dont l'étude ne fait que commencer. Freud avait près de 60 ans, quand il reconnut avec quelque étonnement qu'il avait été toute sa vie un homme moral et bon, sans que sa raison lui fît comprendre pourquoi. J'ajouterai que je n'ai aucune peur du bon Dieu. Si nous devions jamais nous rencontrer, j'aurais plus de reproches à lui faire que lui de critiques à m'adresser. Je lui demanderai pourquoi il ne m'a pas mieux équipé intellectuellement, et il pourrait difficilement m'opposer que je n'ai pas fait le meilleur usage de ma prétendue liberté. Soit dit en passant, je sais que tout individu représente une portion d'énergie vitale, mais je ne vois pas ce que l'énergie a à faire avec la liberté et l'indétermination. Sachez en effet que j'ai toujours été mécontent de mes dons, et je suis à même de dire exactement en quoi. Mais aussi que je me tiens pour un homme très moral qui pourrait reprendre à son compte la belle formule de Théodore Fischer selon laquelle les choses morales se comprennent toujours d'elles-mêmes. Pour ce qui est du sens de la justice et des égards envers autrui, du déplaisir à faire souffrir ou à désavantager les autres, je puis accepter la comparaison avec les meilleurs d'entre ceux que j'ai connus. Je n'ai jamais réellement fait quelque chose de vil ou de méchant. Je n'en sens d'ailleurs pas la tentation, de sorte que je n'en tire pas non plus de fierté. Notez que je comprends la morale dont nous parlons ici au sens social, nullement au sens sexuel. La morale sexuelle, telle que la définit la société, dans le cas le plus extrême, la société américaine, me paraît chose très méprisable. Je prends la défense d'une vie sexuelle infiniment plus libre, encore que j'ai bien peu profité moi-même d'une telle liberté. Juste assez, toutefois, pour me sentir moi-même à la limite de ce qui est permis dans ce domaine. 15 ans après la fondation de la psychanalyse, Freud a définitivement opéré la disjonction essentielle entre la morale sexuelle et la véritable éthique des relations humaines. Ayant établi que la grande affaire du bien et du mal n'a rien à voir avec la sexualité, reste à savoir de quoi est fait ce sens moral qu'il dit évident et naturel. D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il a déposé au cœur de l'homme? Pourquoi, s'il va de soi, est-il inégalement réparti entre les êtres? Plus tard, Freud tentera de résoudre aussi ce problème. Il expliquera la genèse du sens moral, appelé « surmoi », par les relations complexes de l'enfant avec les images modèles de ses parents. En 1915, il constate seulement sa bonté et, pour le reste, confesse son ignorance. Quand je me demande pourquoi, je me suis toujours efforcé d'être honnête, plein d'égards pour les autres et bon, si possible. Pourquoi je n'y ai pas renoncé en constatant qu'une telle conduite ne vous attire que des désagréments et des coups? Parce que les autres sont brutaux et indignes de confiance. Alors, il est vrai, je ne trouve aucune réponse. Naturellement, cela n'était pas très raisonnable. Je n'ai pas ressenti de stimulation éthique spéciale dans ma jeunesse. Je n'éprouve même pas de satisfaction bien nette à me juger meilleur que les autres. Vous êtes peut-être le premier devant qui je m'en vante. On pourrait donc citer précisément mon cas à l'appui de votre opinion qu'une telle aspiration à l'idéal forme une part essentielle de notre disposition innée. Que les autres ne montrent-ils plus de preuves de cette disposition précieuse? Mais, comme je vous le disais, je ne sais rien là-dessus. Cette lettre à James Putnam, un psychanalyste américain qui avait tenté d'établir les rapports de la psychanalyse avec la morale et la religion, met en lumière ce qui pourrait bien être le premier motif du silence de Freud sur sa vie privée, le désir de ne pas faire souffrir ses proches, le refus d'exposer à la curiosité du public la femme qui avait partagé ses peines et supporté les incommodités de sa gloire après avoir été la passion de sa jeunesse. Freud n'a pas pu empêcher les déplaisantes polémiques soulevées par ses idées. Du moins, a-t-il tenté à tout prix d'en épargner les conséquences aux siens. La postérité aurait donc gardé de lui l'image d'un savant austère, presque désincarné à force de science et d'abstraction, si Martha Freud, sa femme, n'avait conservé toute sa vie les lettres qu'il lui écrivait à l'époque de leurs interminables fiançailles. Ces lettres, au nombre de 900, ne purent être consultées et en partie publiées qu'après sa mort, en 1951, 12 ans après la mort de Freud lui-même. Elles forment un ensemble extraordinairement attachant où se lit tout ce qui manque au portrait conventionnel transmis par la légende. Éperdument, sauvagement amoureux de la jeune fille à laquelle il avait à peine osé se déclarer, Freud naturellement parle surtout de son amour, mais ce qu'il jette là sur le papier pendant près de 5 ans n'est pas seulement digne de figurer dans une anthologie de la littérature amoureuse. Il y met tant de vie, de vérité et d'humour que c'est aussi une part importante de son œuvre. Telle qu'elle apparaît sur les photographies, Martha Bernays ne paraît pas trop justifier un pareil emportement de passion. C'est une jeune fille mince et délicate, aux traits fins, mais assez insignifiant. Pourtant, elle avait assez de succès auprès des hommes pour que Freud, au début de leur fiançailles, fût sans cesse rongé de jalousie. Si séduit qu'il fût, son fiancé ne la jugeait pas belle. Et avec une franchise un peu déconcertante chez un amoureux, il le lui avouait. Que tu n'es pas belle au sens où l'entendent peintres et sculpteurs, je le sais fort bien. Si tu tiens à ce que je donne à ce mot son sens strict, je suis contraint de confesser que tu n'es pas une beauté. Je ne te flatte pas en disant cela, mais je ne sais pas flatter. Il est vrai que je puis me tromper. Ce qu'il m'importe de dire, c'est le charme de ta personne qui se révèle dans ton maintien, dans ton corps, dans la façon dont s'exprime ta douceur, ta générosité de cœur, ta raison. En ce qui me regarde, j'ai toujours été plutôt insensible à la beauté conventionnelle. Toutefois, si ta petite tête recèle encore une trace de vanité, je ne te cacherai pas que certaines gens te trouvent belle, et même d'une beauté frappante. Je ne puis en juger. Martha Bernays était issue d'une famille de Hambourg, très imprégnée de culture juive. Son grand-père, qui était apparenté à Henry Heine, avait été un grand rabbin de la ville et avait défendu l'orthodoxie contre le mouvement libéral qui, dans le premier quart du XIXe siècle, avait durement secoué le judaïsme. La famille Bernays était restée strictement orthodoxe. Dès le début, ce fut, entre elle et Freud, une source de conflit, car ce dernier s'indignait des restrictions alimentaires imposées à sa bien-aimée, pratique qu'il jugeait bien entendu absurde et par surcroît dangereuse pour sa santé. Longtemps, Martha refusa de contrarier sa mère en abandonnant ses coutumes religieuses. Enfin, elle céda, et l'athéisme de Freud l'emporta sur les traditions familiales. Mais la question religieuse ne fut pas la principale cause des querelles entre les fiancés. Il y en eut d'autres, dont la plus grave fut la jalousie de Freud et son besoin irrépressible de se tourmenter. À lire ces lettres où passent les humeurs, les craintes et les tracas quotidiens, on voit clairement se dessiner les deux visages de leur auteur. L'un sombre, passionné, porté au tourment et à la superstition, tendre parfois jusqu'à la sentimentalité, doué d'humour, bref, marqué par ce signe où Thomas Mann a reconnu plus tard la fraternité des romantiques. L'autre, raisonnable et un peu raisonneur, toujours prêt à reconnaître ses torts pourvu qu'on les lui démontre, avec une propension à donner des leçons et à tirer de tout un enseignement. Ces deux visages se montrent tour à tour, parfois ensemble, dans une même lettre. Mais partout, ils se découvrent en entier, sans retouche. Je le savais que je ne prendrais conscience de toute l'ampleur de mon bonheur et, hélas, de la mesure de ma privation que lorsque tu serais loin de moi. Je ne puis toujours pas le croire. Si je n'avais le joli coffret et ton délicieux portrait, je croirais à un rêve trompeur et craindrais de me réveiller. Ton charmant portrait. Je l'ai d'abord bien sous-estimé quand j'avais l'original sous les yeux. Mais maintenant, plus je le regarde, plus il ressemble à ma bien-aimée. J'attends que les joues pâles s'empourprent comme nos roses, que les bras délicats se détachent de sa surface pour me prendre la main. Mais le cher portrait reste immobile. Il paraît dire seulement « Patience, patience. Je ne suis qu'un signe, une ombre jetée sur le papier. La créature vivante viendra elle-même, et alors tu auras le droit de me négliger. » Avec cela, l'idée m'obsédait que j'avais lu quelque part l'histoire d'un homme qui portait partout avec lui sa bien-aimée, enfermée dans une caisse. Et, après avoir beaucoup cherché, il me revint que ce devait être le conte de la nouvelle Mélusine dans le Wilhelm Meister de Goethe, dont je ne me souvenais que confusément. Je repris le livre après bien des années et trouvai ma supposition confirmée. Mais je trouvais plus que je ne cherchais. Les allusions superficielles les plus taquines surgissaient çà et là. Chaque trait de la petite histoire cachait un rapport avec nous. Et quand je me rappelais quelle importance ma chérie attache à ce que je sois plus grand qu'elle, je jetai le livre mi-fâché, mi-ravi, et je me consolai en me disant que ma Martha n'était pas une Nyx, mais une délicieuse fille d'homme. Nous ne nous accordons pas encore sur le chapitre de l'humour. C'est pourquoi tu seras peut-être déçu si tu lis le conte. Du reste, je n'ai pas envie de te raconter toutes les idées folles et graves qu'il m'a suggérées. Le jeune homme qui, tel le chevalier à la rose, envoyait chaque jour une rose rouge à sa bien-aimée, traite la jeune fille en princesse de conte et même, une fois, lui écrit une lettre tout entière en style médiéval. Ce même jeune homme peut aussi se montrer exigeant, possessif, intransigeant, dès qu'il s'agit de ses conceptions de la vie. Il prend alors dans ses missives le ton sévère ou raisonneur qui le plus souvent camoufle à demi sa jalousie. Ma chérie, il y a un mois aujourd'hui que je t'ai revue, assise sur la véranda de la maison des Philippe. Et toi, tu étais ma fiancée depuis 2 mois. Tu ne m'as pas reconnue. Peu de choses, bien peu de choses se sont produites entre-temps pour transformer en réalité l'union à quoi nous aspirons. Mais notre temps n'a pas non plus été mal employé. Nous étions étrangers l'un à l'autre. Il nous a fallu nous connaître, vivre quelque chose en commun. Cela, nous l'avons fait. Et si nous restons tous deux bien portants, si aucun démon ne vient troubler nos sentiments mutuels, les prochains mois de nos fiançailles nous rapprocheront de notre but. Si je devais aujourd'hui te renouveler une demande, je te dirais, ne sois pas réticente ou renfermée à mon égard. Confie-moi plutôt tes petits sujets de mécontentement, ou même les grands, afin qu'en amis honnêtes et en bons camarades, nous puissions les régler et les supporter. Moi-même, j'ai toujours agi de la sorte aux dépens des égards que ta nature délicate est en droit d'exiger. Et tu m'as dit que tu le trouvais bon. Si je t'ai souvent blessé, tu n'as pourtant jamais méconnu mes efforts pour entrer en possession de toi aussi intimement que possible. Et si cela est égoïste, c'est que l'amour ne peut pas être autrement. La principale cause de désaccord entre les deux jeunes gens est bien entendu le caractère jaloux de Freud, qui travaille sans relâche à détacher Martha de toutes ses affections. Constamment, il met la jeune fille en demeure de choisir entre lui et les gens qu'elle aime ou a aimés. L'idée d'un fiancé qu'elle a eu avant lui le rend malade. Un ami d'enfance un peu trop empressé donne lieu à une querelle violente. Même le frère et la mère de sa fiancée deviennent de dangereux rivaux qu'il décide de supplanter. Et pendant toute cette période où la séparation aggrave jusqu'au plus petit conflit, Freud manifeste déjà un trait de caractère qui fut très familier plus tard à ses disciples. Ceux qui l'aiment doivent lui répondre. Rien ne l'irrite plus qu'un manquement aux règles de la correspondance. Il est capable, pour cela, de se brouiller avec un ami. On dit que la négligence excessive de Jung sur ce point fut l'une des causes qui lui fit perdre l'affection de son maître. Celle de Martha ne devait pas être aussi grave, elle fut pourtant menacée de la même sanction. Sans attendre ta réponse, ma chérie, je commence ces notes afin de te dire plus de choses sur moi que nos rapports directs ne me le permettraient. Je veux être très franc et très confiant à ton égard, comme il convient entre nous, après que nous nous sommes donné la main en amour et en amitié pour le reste de notre vie. Mais je ne t'écrirai pas toujours sans recevoir de réponse. Et si tu ne me réponds pas, je cesserai. de continuels monologues à propos de l'être aimé, à quoi celui-ci n'apporte pas lui-même les corrections et le rafraîchissement nécessaires, conduisent à des idées fausses sur les rapports mutuels et provoquent de l'éloignement. Sache aussi que je ne serai pas toujours très tendre, mais souvent grave et sincère, comme il convient à des amis, comme c'est un besoin entre amis. Freud supportait d'autant plus mal la séparation qu'il ne pouvait pas faire grand-chose pour l'abréger. Pendant les 4 ans et demi que durèrent leurs fiançailles, il n'alla voir Martha que 6 fois, faute d'argent pour prendre le train. Se rendre de Vienne à Hambourg, il ne le pouvait qu'en empruntant à des amis. Mais il était déjà criblé de dettes. Un voyage était une folie qui compromettait son budget et plus encore ses plans de travail. Cette situation ne pouvait qu'aggraver les difficultés sentimentales des jeunes gens. Elle avivait la passion de Freud, mais aussi sa jalousie, ses craintes d'être abandonné et de ne jamais gagner le bonheur conjugal qui, à ce moment, lui paraissait un idéal inaccessible. « Oh, Martha chérie, s'écrit-il un jour, comme nous sommes pauvres. » Pauvres, ils l'étaient en effet. Leur dénuement était si radical qu'il prenait aux yeux de Freud les proportions d'une épreuve biblique. À peine s'il espérait être plus heureux que Jacob, qui avait dû attendre sa femme 7 ans. Mon trésor adoré, je me fais l'effet tantôt d'être tellement enviable, tantôt d'être tellement malheureux, quand je pense que tu es ma fiancée et que tu l'es depuis 3 ans et demi. Passez en un clin d'œil, dis-tu. C'est la moitié du temps des fiançailles de nos patriarches. Mais ils vivaient terriblement vieux, et Dieu était avec eux. L'amour, les soucis d'argent, les craintes pour l'avenir, les préoccupations scientifiques sont les thèmes dominants de cette correspondance impatiente qui devait atténuer tant bien que mal la séparation des jeunes gens. Mais ce ne sont pas du tout les seuls. Freud écrit aussi à Martha pour lui faire partager ses idées sur la vie, ses jugements sur les choses et les gens. Il aime s'entretenir longuement avec elle de ses livres préférés, dont il lui fait cadeau dès qu'il peut réunir quelque argent. Ainsi, sa correspondance donne un aperçu très exact de ses goûts littéraires. Elle contient même de véritables petits articles critiques où s'expriment des idées très personnelles sur l'esthétique des œuvres et surtout cet amour et ce talent pour l'interprétation qu'il devait développer si magistralement dans ses écrits psychanalytiques sur l'art. Tu as certainement remarqué que tous nos écrivains, tous nos artistes adoptent une certaine manière, une série stéréotypée de sujets et de procédés qui marquent la limite de leur art. C'est pourquoi il est si facile de les pasticher. Appartiennent à cette catégorie dans les œuvres de Dickens, par exemple, ces jeunes filles sans défaut, altruistes et bonnes. Si bonnes qu'elles en sont presque incolores. Ensuite, le fait que tous les braves gens se lient d'amitié dès leur première rencontre et travaillent en commun tout le long du livre. Puis, la distinction tranchée entre la vertu et le vice. Distinction qui n'existe pas dans la vie. Moi, par exemple, où me situer? Il y a encore son penchant facile pour les simples d'esprit représentés dans presque tous ses romans par un ou deux lourdeaux ou toqués appartenant au groupe des bons, etc. Oh, j'allais oublier le philanthrope immensément riche qui ne manque jamais de s'intéresser à toute noble entreprise. C'est dans Copperfield qu'on en trouve le moins. Là, les caractères sont individualisés, les personnages commettent des péchés sans être toutefois abominables. Le livre qui occupe le plus de place dans la correspondance de cette époque est le Don Quichotte de Cervantes, dont Freud avait envoyé à Martha un exemplaire de luxe illustré par Gustave Doré, un cadeau d'un de ses amis. La jeune fille ne prit pas goût au chef-d'œuvre, dont la crudité la choquait. Freud s'en excusa, mais avoua que le livre le fascinait tellement qu'il en oubliait presque ses travaux. Et pendant plusieurs jours, il revint sur ce sujet, auquel, visiblement, il se sentait secrètement lié. N'est-il pas très touchant de voir un grand homme, lui-même idéaliste, se moquer de ses idéaux? Avant d'avoir la chance de comprendre la profonde réalité de notre amour, nous avons tous été de nobles chevaliers, parcourant le monde au milieu d'un rêve, interprétant de travers les faits les plus simples, transformant les platitudes en choses nobles et rares, et faisant ensuite triste figure. C'est pourquoi, nous autres hommes, nous lisons toujours avec le même respect les descriptions de ce que nous fûmes jadis et de ce que nous sommes partiellement restés. On voit que si Freud n'était pas psychologue au sens courant du mot, de fait il l'était remarquablement peu dans la vie quotidienne, il s'analysait déjà lui-même avec une rare pénétration. De même qu'il se sent pris dans un conflit entre le rêve et la réalité, conflit dont le dénouement n'exigera rien de moins que l'invention d'une nouvelle science, de même, il démêle sa ressemblance secrète avec l'ascète intellectuel, l'ermite Antoine, dont Flaubert raconte la tentation. J'ai lu ce livre qui, de la façon la plus condensée et avec une vigueur incomparable, jette à la tête des gens toutes les corruptions du monde. Non seulement il évoque les grands problèmes de la connaissance, mais il pose les vraies énigmes de la vie, tous les conflits des sentiments et des impulsions. Ces questions, il est vrai, on ne peut se dispenser d'y songer parce qu'elles se posent partout et toujours. Mais on se contente chaque fois de leur fixer une place restreinte. Nous nous habituons à croire qu'il ne faut penser à la solution de ces énigmes qu'à certains moments déterminés et qu'en dehors de ces moments-là, elles cessent d'exister. C'est pourquoi les énigmes viennent nous assaillir brusquement, au réveil, nous ôtant le calme et le courage. On incline parfois à croire que la révolution freudienne s'est accomplie d'un coup aux alentours de 1895, en rupture complète avec la vie et la pensée de son auteur. Les lettres à Martha montrent qu'il n'en est rien. Tout en faisant de l'anatomopathologie, Freud travaillait déjà intérieurement dans le domaine où il allait s'illustrer. Le conflit dont il souffrait sans en connaître encore la cause éclata quelques années plus tard au moment de la mort de son père. Il n'avait pas été résolu, mais seulement masqué ou atténué par l'approche du mariage. Les deux jeunes gens finirent par fixer un terme à leur interminable attente. Quoi qu'il dût arriver, ils se marieraient en 1887, exactement au bout de 5 ans de fiançailles. En réalité, ils devaient gagner 6 mois grâce à un oncle et à une tante de la jeune fille qui firent don aux fiancés d'une somme modique, juste suffisante pour les débuts du ménage. Du reste, Freud n'en pouvait plus. Il passa dans une agitation douloureuse les derniers jours qui le séparaient encore de Martha. Alors je vais pouvoir retrouver le souffle, ma chérie, et c'est de bon gré que je vais recommencer à trimer et à économiser. S'il nous arrive parfois de nous casser la tête pour savoir où et comment nous procurer telle ou telle chose, qu'importe. Après tout, nous serons deux à le supporter. Et cela sans vivre dans l'affreuse misère qui n'empêche pourtant pas les gens de s'aimer. Combien de temps reste-t-on jeune et bien portant? Combien de temps assez malléable pour s'adapter à l'humeur changeante de son partenaire? Si je te faisais attendre le moment où j'aurais économisé assez d'argent pour tout payer, tu serais devenue une vieille fille qui aurait désappris le rire. Tu me manques à tel point depuis mon retour que je vis à peine comme un être humain. Tu me manques à tout point de vue, comme bien-aimée, femme, camarade, compagne de travail. Et il me faut vivre dans le plus pénible abandon. Je ne sais comment occuper mon temps, je n'ai de plaisir à rien. Depuis des semaines, mon visage reste sombre. Bref, je suis très malheureux. Le mariage dut être encore un peu différé, parce que Freud, qui pensait ne faire une période militaire que l'année suivante, fut appelé pour les grandes manœuvres. Après quoi, il fallut régler la délicate question de la cérémonie. Freud était tellement horrifié par les rites compliqués du mariage juif qu'il songea un instant à se faire protestant, car tout citoyen autrichien était tenu d'avoir une confession, indépendamment de ses opinions et de ses pratiques religieuses. Puis il se rassura. Comme il se mariait en Allemagne, où, contrairement à l'Autriche, le mariage civil était reconnu, le mariage religieux lui serait épargné. Il se trompait. Où qu'il fût contracté, un mariage civil n'était pas valable en Autriche, de sorte qu'il lui fallut se résoudre à la cérémonie. Elle eut lieu, selon les rites juifs, après que Freud eut passé la nuit chez un oncle pour apprendre les prières hébraïques qu'il devait réciter le lendemain. Ce fut la dernière fois qu'il se plia à une convention contraire à ses idées. Le 1er octobre 1886, les jeunes mariés revinrent de voyage et rentrèrent à Vienne, où leur situation resta longtemps encore très précaire. À part les voyages de Freud et parfois les périodes de vacances, ils ne devaient plus guère se séparer. Ils ne quittèrent Vienne qu'à la veille de la guerre mondiale, au bout de 52 années de vie commune, pendant lesquelles Martha n'eut pas d'autre rival que la science, comme son fiancé le lui avait prédit. En se trompant toutefois sur un point, la seule rivale de Martha ne fut pas la classique anatomie du cerveau, mais la tumultueuse psychanalyse, en quoi Freud, désormais, allait concentrer toute sa passion. RTF France 3 Nationale vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série. La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Jean Topard, Roland Ménard, Jean Muselli dans Fiançailles et mariages de Sigmund Freud. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France 3 Nationale les 12 et 19 janvier 1963. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. No more. We both found what we were looking for. With a friend to call my home, I'll never be alone. And you, my friend, you will see you've got a friend in me. Ben, you're always running here and there. You feel you're not wanted anywhere. If you ever look behind and don't like what you find, something you should know. Got a place to go. Well, I used to say, I and me, but now it's us. Now it's we. I used to say, people would turn you away. I don't listen to where they say. They don't see you as I do. I wish they would try to. I'm sure they'd think again if they had a friend like me.